Shauria Colli, 16 ans. Pas encore la carrure des grands athlètes, mais déjà le mental pour devenir une future star du basket. C'est la première académie de la NBA en Inde. L'enjeu est important pour moi. Le sport n'a aucun intérêt ici pour les gens. Ils n'y voient aucun futur. Après un recrutement à travers tout le pays, ils sont 21 à faire leur rentrée des classes. Aujourd'hui, les grands patrons de la NBA ont fait le déplacement. On mise sur l'Inde et ses 1,3 milliard d'habitants. On parie sur 350 millions de jeunes qui ont moins de 18 ans, sur le potentiel de ces nouveaux talents du basket, sur ce que cela représente sur le long terme pour la NBA. Une première dans un pays où le sport national reste le cricket. Si les chiffres sont confidentiels, l'investissement est colossal, le plus important à ce jour pour la NBA. En contrepartie, 6 heures d'entraînement minimum par jour et interdiction de sortir du campus. Ici, c'est le basket qui rythme la vie. Alors, en fait, il y a véritablement une faim d'apprendre. Et je pense que c'est notre devoir de la NBA de proposer un outil pour qu'ils arrivent à comprendre. Comme vous pouvez voir dans la salle, on a toutes les stars NBA qui nous entourent. Et ces enfants-là en rêvent depuis des années. Stephen Curry, Dwight Howard, Isaiah Thomas. Ils veulent tous leur ressembler. Shauria, numéro 14, est plus déterminé que jamais. Maintenant que je fais partie de l'académie, j'ai un futur. C'est une vraie chance à saisir pour moi. Le basket est la seule chose qui m'importe. Un ballon et un dossard synonyme d'avenir pour Shauria, tout comme les autres talents que la NBA recrute à travers les 6 académies ouvertes aux 4 coins du monde.